La neige a glissé sur nos pas, au bord d'un lac gelé, enlacé dans la brume. Nous avons marché sur un mur, la fin de l'univers. Sur l'herbe d'hiver, nos enfants insouciants gambadaient en balançant leur avenir sur leur balançoire. Tu les as vus, je t'ai encouragé la nuit. Les mouettes croissent d'un air découragé, ils annoncent ton départ sans retour. Mais soliloquent les cafés malheureux, vos idylles en cabine passager. Les images, les mots, les pièces qui ont guéri notre agitation. C'était la sève qui coagulait les souches de bois. C'est ainsi que nous avons réparé les villes, pointant chacun son imposture, une blessure, un outrage, la fausse quintessence du progrès. Maigre.